où toutes les décisions qui ont été prises l'ont été contre les Françaises et les Français. Où ce processus, avec toutes ces décisions accumulées, absolument pas démocratiques, ont été prises. Il faut que nous puissions dire aux habitantes et aux habitants parisiens que nous partageons leur colère, que nous pensons comme eux. On est venu avec nos casseroles pour faire comme lui, en fait, exactement comme il fait avec ses discours, les rares fois où il a daigné nous adresser la parole en 3 mois maintenant. Et tout simplement pour faire une énième manif sauvage, déclarée peu importe, contre la réforme des retraites et pour exprimer notre mécontentement face à tout le système qui a logiquement mené à cette réforme. Il faut que ça bouge, quoi, que ça change et qu'on se rassemble pour faire des actions organisées ensemble en tant que peuple qui prenons le pouvoir sur l'État. Vous allez voir ou pas au moins un compte-rendu de ce qu'il a dit ou vous en foutez complètement? Surtout pas le savoir. Là, je suis gavée jusqu'au trou de nez, je veux même pas savoir ce qu'il a dit. Je pense que le calendrier de l'intersyndicale importe parce que ça reste quand même un moyen de fédérer énormément de gens et de les faire sortir dans la rue. On l'a vu ces 3 derniers mois. Nous, de notre côté, on considère qu'il faut aussi faire des actions concrètes et directes et s'organiser ensemble. Ce qui est génial, en fait, c'est que le mouvement tient toujours et va tenir très longtemps parce que c'est que le début, pour la simple raison que tout le monde commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de la réforme des retraites, mais de se battre contre un système qui nous fait du chantage au salaire, qui nous empêche d'avoir une vie décente parce que c'est pas normal de vendre sa force de travail pour avoir le droit de manger, d'avoir un toit, de se chauffer et de subvenir aux besoins des gens qu'on aime et avec qui on vit. Et c'est contre ce système et les gens, parce qu'il faut pas oublier que c'est d'abord des gens qui font subvenir ce système parce qu'il leur permet de rester à la place où ils sont, c'est-à-dire tout en haut de la chaîne. Et les gens commencent à voir qu'on est bien plus nombreux que les quelques bourgeois et financiers qui nous écrasent. C'est parti, on est à Financité, le micro ouvert est à Financité qui se trouve rue Botanique, à côté du Botanique. La grosse intrigue ici. Et j'ai en face de moi Morgane Kubicki. C'est comme ça qu'on dit. Exactement. Et alors il y a Cyrian qui est stagiaire. Stagiaire en quoi d'ailleurs? En communication et journalisme. Voilà. Qui est là aussi, et vous avez vos 2 gourdes. Aussi, oui. C'est drôle. Et donc, l'idée de venir rencontrer Financité, c'était de venir et vous poser la question, mais tiens, pourquoi on ne fait pas plus de bruit par rapport à la disparition du liquide, de l'argent, du cash, quoi. Voilà, j'ai tapé Financité comme ça, un peu par hasard. Je connaissais quand même vaguement, mais pas plus que ça. Donc, je me retrouve ici, en face de Morgane. Bah, c'est une question que nous, on se pose aussi, en fait. On disait juste avant d'ouvrir le micro, on a une incompréhension totale sur pourquoi est-ce que la question du cash ne fait pas plus de bruit politique. Parce qu'en fait, si on regarde ça même d'un point de vue juste politique, c'est un boulevard. Ça concerne les riches, ça concerne les pauvres, ça concerne les communes rurales, les communes urbaines, les gens qui gèrent leur budget et qui ont besoin du cash, ça concerne aussi la vie privée. Pas que la Belgique en plus. Et pas que la Belgique, sauf qu'en Belgique, on a un problème particulier avec le cash. On a 2 fois moins de distributeurs que la moyenne de la zone euro. Et un plan de réduction encore. Et en fait, de tous les peuples d'Europe, ce sont les Belges qui se plaignent le plus de l'accès au cash. Donc c'est une étude de la Banque Centrale Européenne qui a été... Du non-accès. Quand tu dis... Ouais, c'est ça. Il faudrait plutôt dire de la difficulté d'accès au cash. Voilà. Donc c'est une étude de la Banque Centrale Européenne qui a étudié les habitudes de paiement des personnes en zone euro. Et on voit, c'est très très clair, que les Belges se plaignent de plus en plus et beaucoup plus que leurs voisins européens du problème d'accès au cash. Et c'est une étude qui, donc sur des données, ça a été publié fin 2022, c'est sur des données de 2021 et antécédentes. Donc on n'est même pas encore dans le cœur de la disparition des distributeurs annoncée il y a quelques mois maintenant. Et les Belges se plaignent déjà beaucoup plus que leurs voisins. Mais quoi, pourquoi ils se plaignent plus? Parce que c'est une réalité ou bien parce que... Les études, c'est sûr qu'il y a plein, quand je vais sur votre site, évidemment, il y a plein de lectures, d'études, mais une étude, on peut lui faire dire tout et son contraire. Moi, je suis pas très à l'aise avec ces idées d'études. Évidemment, après, on est bien obligé de se référer à quelque chose, mais si on savait, comment dire, si on arrivait à parler autrement qu'avec des études, après, oui, c'est peut-être important d'en signaler l'une ou l'autre, comme ça même les gens peuvent aller voir. Mais bon, reprenons. La disparition du cash, c'est pas depuis le Covid, c'est pas depuis Covid, c'était en 2020, là on est en 2023. C'est une idée qui est dans la tête de ceux. D'ailleurs, on pourrait définir c'est qui qui met ça en place, bon. La disparition du cash. Il faut rappeler que dans l'accord du gouvernement actuel, il est mentionné que le gouvernement souhaite réduire l'usage du cash. Donc ça, c'est très très clair. Maintenant, le gouvernement, avec tout le bruit qui a été fait autour de la disparition des distributeurs, a conclu un accord avec le secteur bancaire, dont on parlera peut-être après. Nous, on n'est pas ravis, on est loin d'être ravis d'ailleurs. Mais je suis d'accord que pour les études, parfois c'est difficile de dire, en plus c'est des études d'opinion, donc qui est-ce qu'on a pris, est-ce que c'est des gens qui ont traqué leurs dépenses et de quelle manière ils ont fait leurs dépenses sur plusieurs semaines, c'est compliqué. Mais il y a un chiffre qui est assez clair, c'est qu'on a moitié moins de distributeurs par rapport au reste de la zone euro. Et donc c'est assez évident, si on a moitié moins de distributeurs que chez nos voisins, que chez nous ce soit plus difficile d'accéder au cash. Et accéder au cash, c'est pas qu'une question de choix et de perception de moi je préfère payer par carte, moi je préfère payer en cash, c'est une question de liberté. En fait, les banques ont le monopole de la collecte de l'épargne et donc elles doivent nous donner l'accès à notre argent de la manière dont on le souhaite. Et je rappelle aussi, très très important, que le cash c'est un bien commun, c'est géré par la Banque nationale, c'est émis par des banques nationales et donc c'est géré en commun pour le bien commun, alors que tous les paiements qu'on fait par carte ou par smartphone ou par quelconque manière, ça passe par des schémas de paiement privés qui sont Bancontact, Visa, Mastercard, ce sont des sociétés privées. Donc c'est une question de choix et de liberté de chacun. Je crois que ça, les gens le comprennent bien, que la disparition du cash, c'est une perte de liberté. J'avais lu, c'est sur France Inter, le cash, c'est la liberté frappée. J'avais vu ça, je trouve que c'est pas mal. Bah oui, on se rend bien compte que l'argent liquide, ça permet d'être un peu plus autonome, quoi. Après, ça pose la question de l'argent en tant que tel, hein, parce que si t'as pas d'argent, t'existes pas dans le monde dans lequel on est. Mais tu vois. Bon. Oui, mais c'est pas même l'argent en tant que tel, c'est un débat bien plus vaste. Mais je veux dire, voilà, on peut pas fonctionner sans argent aujourd'hui, sauf dans des communautés qui ont décidé de fonctionner autrement. Nous, par exemple, on accompagne des monnaies locales. C'est aussi quelque chose qu'on fait en complément. On trouve que c'est très complémentaire. Mais de toute manière. Gérer son argent en cash, on y revient de plus en plus. Et pas que chez les personnes âgées, hein, parce qu'on imagine la personne âgée qui doit se déplacer à 5 km pour aller à son distributeur, chercher de l'argent et revenir. C'est effectivement le parcours du combattant pour cette personne âgée, c'est très compliqué. Mais les jeunes gèrent aussi de plus en plus leur argent en cash sur TikTok. Alors je sais que ça fait un peu vieux con de dire on a vu sur TikTok, mais il y a la technique du cash stuffing, donc ce sont des enveloppes, c'est la bonne vieille technique des enveloppes, sauf que maintenant les enveloppes sont magnifiques, elles sont décorées, etc. Et donc, on a des influenceurs et des influenceuses qui expliquent comment ils gèrent leur argent avec les enveloppes, etc. On y revient. Et quand on a des budgets très serrés, le fait de percevoir son argent de manière physique et de savoir où on en est, ça aide énormément. Par rapport, on peut avoir toutes les applications bancaires et de suivi de ses dépenses qu'on veut, ce ne sera jamais la même chose. Mais de toute façon, c'est sûr, je crois qu'on ne doit même pas défendre l'idée que les gens veulent du cash ou qu'on veut continuer à avoir du cash, du liquide. Malheureusement, il faut le défendre. Parce que je rappelle que dans l'accord du gouvernement, il est marqué, noir sur blanc, réduire l'utilisation du cash. Et donc, il y a des sociétés, il y a des pays où on a voulu aller vers le 100% paiement électronique. Et on en Suède revient. Exactement, mais ils en reviennent. Oui, j'ai vu ça. Et donc, c'est une question de... Oui, on pense, nous, parce qu'on a l'air d'être plutôt du même avis, on pense qu'il faut... Il n'y a même pas besoin de défendre le cash, qu'il se défend tout seul. Sauf que c'est faux, il ne se défend pas tout seul. Il y a des banques qui organisent la réduction de la difficulté de l'accès au cash et il y a un gouvernement qui organise la diminution de l'utilisation du cash. Mais on est d'accord, mais c'est pour ça que je suis ici. C'est parce que j'avais envie de comprendre comment ça se fait que c'est possible, ça, d'avoir ces idées, de dire... On fait tout pour qu'il n'y ait plus de cash, on fait tout pour qu'il y ait de moins en moins de distributeurs, on fait tout aussi pour que les gens se déplacent. Enfin, il paraît que c'est la galère quand les gens se déplacent à la banque. Hein. Ça n'existe plus, c'est comme s'il n'y avait plus de banque, quoi. Donc, moi, je venais vous voir pour que vous m'expliquiez un peu le pourquoi du comment. Vous avez fait une enquête, comment ça se passe, comment c'est possible de penser comme ça, en fait. Mais en fait, c'est très simple et les banques le disent elles-mêmes. C'est une question de réduction des coûts. Donc le cash, ça a un coût pour les banques. Parce que certes, c'est émis par la Banque nationale, donc c'est un bien public, ça on en a déjà parlé. Mais l'accès au cash, les distributeurs, ce sont les banques et le réseau des banques en Belgique qui le gèrent. Et donc, elles vous sortiront un chiffre qui évolue chaque année de combien ça leur coûte par citoyen et citoyenne belge d'organiser l'accès au cash. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire placer des machines, ça veut dire alimenter ces machines, ça veut dire la sécurité, etc. Tout ça a un coût. Nous, on ne le nie pas du tout. Mais on trouve que c'est un service qu'on doit rendre aux citoyens. Quand on a le monopole de la collecte de l'épargne, la moindre des choses, c'est de nous donner accès au cash. Et puis pour les agences, c'est la même histoire. C'est une réduction des coûts. Si vous voyez, on perd plus d'une agence par jour en Belgique. Vous vous rendez compte, il y a plus d'une fermeture d'agence par jour. En fait, les banques s'organisent pour dire on va réduire le plus possible nos frais, dans une perspective de faire plus de profit, évidemment. Et donc, les gens, ils gèrent tout en ligne, donc il n'y a plus besoin d'aller dans les agences. Sauf que vous voyez, vous avez déjà été devant une agence bancaire, même en centre-ville, là où on est censé avoir beaucoup d'agences. Comme avant. Comme avant, exactement. Sauf que il y a des banques qui avaient fermé pendant le Covid, qui ont décidé de ne plus rouvrir. Donc, on ne peut y aller que sur rendez-vous. Et celles qui ne sont pas sur rendez-vous, il y a des vigiles à l'entrée. Il y a des agents de sécurité parce que les gens sont tellement énervés et le service est tellement mauvais qu'il faut mettre des personnes pour réguler la colère des gens à l'entrée. Et tout ça, c'est fait sur un même argument que les banques vous diront elles-mêmes. Les 4 grandes banques du pays se sont donc organisées pour créer le réseau Bateau-Pain. C'est le cœur du problème actuellement. Le réseau Bateau-Pain... Mais ça veut dire quoi, Bateau-Pain ? Alors, Bateau-Pain, c'est un acronyme pour quelque chose dont je ne me souviens jamais, mais à la limite, ce n'est pas la question. Mais c'est pour essayer de comprendre, quoi, parce que Bateau-Pain, c'est quoi ce... Toi, non ? Tu es le stagiaire ? Non, non plus. En fait, elles se sont organisées. Donc, qu'est-ce qu'elles se sont... Elles se sont rendues compte ? Une réalité que nous, on nie pas. C'est que parfois, sur la même rue... Vous avez 3 banques les unes à la suite des autres, elles ont chacune 3 distributeurs dans leur agence. Ça n'a aucun sens. Elles, pour réduire les coûts, elles se sont dit qu'est-ce qu'on va faire ? On va sortir tous nos distributeurs de nos agences. Donc on parle des 4 grandes banques, KBC, ING, Belfius et BNP Paribas Fortis. On va sortir tous les distributeurs de nos agences à nous et on va les mettre dans des nouveaux lieux, des distributeurs dits neutres. Donc, c'est les points que vous voyez arriver maintenant, les points cash. Ils sont noirs et jaunes, comme ça. Ils sont très... Ils sont très clinquants. Sauf qu'à l'intérieur, c'est des vieilles machines. Et je n'ai jamais vu des machines aussi lentes. Moi, on reçoit tout le temps des plaintes de gens qui disent « Mais tant qu'à faire, ils font des nouveaux emplacements, ils font un nouveau design, ils auraient pu mettre des nouvelles machines. » Mais bon, voilà. Ça, c'est pour l'anecdote. Donc, elles vont placer ces lieux neutres, sauf qu'au moment où elles annoncent qu'elles se mettent ensemble pour la gestion de leur parc de distributeurs, elles annoncent directement qu'elles vont réduire de moitié le nombre de distributeurs qu'elles avaient. Donc, il y a plusieurs problèmes. Un, on ne prend pas du tout en compte les besoins réels de la population. Elles ont décidé qu'elles allaient diminuer de moitié. On nous dit 95% de la population aura accès à un distributeur à moins de 5 km. 5 km à vol d'oiseau. Imaginez-vous en zone rurale, 5 km à vol d'oiseau, qu'est-ce que ça fait ? Et puis, il y a des provinces qui ne seront pas très bien couvertes. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça en zone urbaine, quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de transport, quoi, ou c'est plus compliqué, c'est ça ? Et puis en zone rurale, 5 km par la route, ce n'est pas 5 km à vol d'oiseau. Hein, parce que les routes, elles font des détours. Alors, on n'a pas beaucoup de montagnes en Belgique, mais je veux dire, il y a quand même des régions où c'est plus compliqué, où la route, elle ne va pas directement de l'habitant ou de l'habitant du village à l'ATM le plus proche. Hein. Mmh. Et donc, il y a une étude de l'IWEPS en Wallonie qui a très, très bien montré, qui a fait la différence entre 5 km à vol d'oiseau et 5 km par la route. Mais c'est catastrophique, ça n'a rien à voir. Mmh. Mais Morgane, moi j'entends bien, donc ce que tu nous dis c'est que c'est justifié, puisque c'est ça la question que je te posais, c'est justifié par le fait que ça coûte trop d'argent, il y a trop de distributeurs dans la rue, ok, mais ça tient pas la route ça, parce que t'es d'accord avec moi que ça tient pas la route, je veux dire si... L'idée était de faire moins de gaspillage, on ne commencerait pas par ça quoi, il y a... Tu vois ce que je veux dire ? Du gaspillage en termes de coûts ? Oui, puisque tu dis que cette volonté de faire disparaître le cash, c'est les distributeurs, les banques, même les banquiers, quoi, on en voit moins. Eh bien, ce serait, c'est justifié ça par le gouvernement ou par qui d'ailleurs, hein, par ceux qui gèrent les banques. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui décide ça, évidemment, que ce serait un coût. Bon, ok. Mais moi, je trouve que ça tient pas trop la route. C'est simplement justifié par le fait que ça coûte de l'argent. Oui, mais mettons-nous, disons qu'on est CEO de banque. Et on gagne très bien notre vie, déjà, pour commencer. Et on veut réduire les coûts. Et moi, je regarde dans les fiches des coûts chaque année. Je dis, mais ces distributeurs, ils me coûtent quand même vachement cher. Il faut trouver un emplacement. Parfois, il y a des taxes sur les machines automatiques dans certaines communes. Et puis, je dois payer tout cet acheminement d'argent. Et c'est des transporteurs de fonds. Enfin, tout ça est sécurisé. Ça coûte énormément d'argent. Alors que j'ai développé un système informatique pour mes clients. Et ils peuvent tout gérer par leur smartphone. Ils peuvent même faire des paiements par smartphone. Et quand ils font des paiements en smartphone, ça me coûte 0 euro. Parce que c'est des schémas de paiement, des sociétés privées qui font ça et qui s'organisent pour ça. Donc moi, j'ai tout intérêt à ce que le cash disparaisse. Parce que comme ça, je ne dois plus me... À la limite, j'en laisse 2-3 dans le pays pour faire plaisir aux gens parce que ce sera une relique et puis ils auront un billet en main. Mais en tant que banque, elles ont tout intérêt à ce que le cash disparaisse. Ça, c'est très, très clair. Et d'ailleurs, elles le disent. Ouvertement, le cash a un coût et il faut diminuer les coûts. Voilà, c'est aussi simple que ça. Gérer ensemble les distributeurs pour les 4 grandes banques, ça avait un objectif, diminuer les coûts. Sauf que bon, quand on est les 4 plus grandes banques du pays et qu'on se met ensemble pour gérer un parc de distributeurs, il y a des questions de droit de la concurrence. Et ça, visiblement, elles n'avaient pas pris ça en compte. Et donc nous, en 2021, quand on a pris le projet Bateau-Pain, on a consulté l'autorité belge de la concurrence pour demander s'il y avait eu une consultation et s'ils avaient pris ça en compte. Et on a envoyé une lettre officielle en demandant à l'autorité belge de la concurrence de s'auto-saisir pour étudier le dossier. Et actuellement, le dossier est toujours à l'instruction. Et donc, ils sont toujours en train de mener l'enquête pour voir si ça sert vraiment les consommateurs. Nous, on a une idée sur la question, évidemment. Pour voir si ça sert vraiment les consommateurs de faire disparaître le cash et les bons contacts et tout ça. C'est ça que tu dis ? Pour voir si ça servira les consommateurs que ces 4 grandes banques se soient mises ensemble pour gérer collectivement leur parc de distributeurs qui s'accompagnait évidemment de la diminution drastique du nombre de distributeurs et des points neutres, enfin soi-disant neutres. Parce qu'il y a des plus petites banques belges se sont aussi mises ensemble pour gérer leur... donc c'est le réseau Jofico, usant notre nom. elles se sont mises ensemble aussi pour gérer leur parc de distributeurs parce qu'évidemment ça coûte moins cher de le faire ensemble. Mais elles n'ont jamais annoncé une réduction du nombre de distributeurs. Donc on peut tout à fait le faire sans se dire on va enlever tous les distributeurs des agences. Et d'ailleurs, enlever les distributeurs des agences pour les 4 grandes banques, c'est aussi une excuse pour fermer plus d'agences. Hein. Si vous n'avez plus le distributeur qui est dans votre agence, vous n'avez plus besoin d'agence. Oui, et tout ça sans le consentement des gens, sans être au courant. On apprend ça au fur et à mesure, mais il y a rien qui l'annonce. Quoi. Absolument. Aucune concertation. Elles ont décidé ça unilatéralement, enfin à 4, elles ont créé leur société et elles ont dit « on va diminuer de moitié le nombre de distributeurs ». Ni le gouvernement, ni apparemment l'autorité belge de la concurrence ont été consultées correctement. Et elles ont estimé qu'elles étaient des sociétés privées, ce qu'elles sont. Bon, Belfius appartient quand même à l'État belge, rappelons-le. Mais elles ont estimé qu'elles étaient des sociétés commerciales comme des autres et qu'elles pouvaient organiser ensemble. Alors, c'était justifié en disant « oui, mais on va sortir les distributeurs des agences, mais on va les mettre dans des lieux de passage qui seront mieux, des lieux où on a plus accès. » Sauf qu'en fait, ce qu'on voit actuellement, la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a des centres de communes, des centres commerciaux avec des petits commerces de proximité qui se retrouvent sans distributeurs, qu'on a installé des distributeurs dans des centres commerciaux avec des grandes enseignes où là, en fait, on n'a pas besoin de distributeurs, tout le monde paye par... tout le monde paye par carte. On a installé parfois des distributeurs derrière la partie payante. Quand tu dis tout le monde, peut-être pas tout le monde, quoi, tu vois. Peut-être pas tout le monde, sauf que si vous vous déplacez jusque-là pour aller dans un grand centre commercial, enfin, voilà, c'est... on a plus besoin du cash dans un centre où il y a un marché, où il y a des petits commerces de proximité, que dans un centre commercial de grandes enseignes. Ouais, voilà. ça c'est nous qui nous disons, tu vois, mais peut-être qu'il y a des gens qui fonctionnent vraiment à la petite semaine avec leur petit argent en liquide, quoi. Ils existent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne sont pas de moins en moins nombreux. Hein. Oui, mais c'est ça que, de nouveau, une étude le dit, mais... J'ai lu sur votre site que ça disait que le cash, on croit comme ça parce qu'on a une carte et qu'on peut payer avec sa carte. En fait, c'est kiff. Les gens payent autant, c'est ça, autant en liquide, alors qu'on croirait que non, quoi. Ouais. Bah, on va revenir aux études, mais pour le coup, voilà, c'est un chiffre. Au moins, ça permet un peu d'objectiver ce qu'on dit, parce que c'est sûr que les pro-cash vont dire « mais non, tout le monde paye par cash tout le temps », et puis ceux qui payent en carte diront « ben non, on n'a pas besoin du cash ». Alors, essaye de bien expliquer ton étude, comme ça les gens peuvent aller voir, quoi, et comment elle a été faite, cette étude. Donc en fait, la Banque Centrale Européenne a choisi un panel de gens qui ont noté tous les jours quel paiement ils avaient fait et par quels moyens. Et puis après, il y avait une enquête sur les préférences. Est-ce que vous préférez payer comme ci ou comme ça? Et est-ce que c'est facile pour vous d'accéder au cash ou des choses comme ça? Mais sur combien de gens? Alors, ouais, c'est ça, hein, on ne connaît pas tout. Hein. C'est des études à la Banque Centrale Européenne, c'est quand même fait d'une manière assez sérieuse. Hein. Quand même, on peut leur laisser ça. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a 45% des paiements sur lieu physique. Donc évidemment, on ne prend pas en compte Internet parce que ça n'a pas de sens de payer en cash sur Internet. Mais toutes les transactions faites sur lieu physique, il y a 45% qui sont faites en pièces et billets. 45%, c'est presque la moitié. Hein. C'est encore énorme. Ouais. Et donc, quand les gens disent « mais plus personne paye en cash », c'est faux. On a des chiffres qui peuvent dire que c'est faux. Ouais, on aimerait bien un autre moyen que des chiffres, quoi. Tu vois, vraiment pour montrer... tu vois, parce que les études, on peut leur faire, j'ai déjà dit, dire tout et son contraire, quoi. Ça dépend qui l'a fait aussi, cette étude. Alors, toi, tu as confiance avec la Banque Centrale Européenne? Bah, c'est pas une question de confiance ou pas de la Banque Centrale Européenne. C'est elle qui fait cette étude-là. Oui, c'est elle qui a fait cette étude. Et d'ailleurs, si la Banque Centrale Européenne était de mèche avec les banques ou voulait absolument aller dans le sens des banques qu'elle est censée réguler, eh ben, elle ne sortirait pas le chiffre qui dit que la moitié des paiements sont faits en cash. Donc, on peut quand même... C'est sûr. Des fois, on ne comprend pas tout ce qui se joue, tu vois. Est-ce que tu as ce sentiment de comprendre tout ce qui se joue, là, avec cette histoire de cash, de liquide, de paiement de plus en plus automatisé? Moi, j'ai le sentiment que c'est plus facile que ça n'y paraît. C'est que, comme on a dit, le cash, c'est un bien public, mais ça coûte aux banques qui sont responsables de le mettre en circulation. Et elles veulent réduire les coûts, et donc elles veulent réduire les usages du cash. C'est aussi simple que ça. Après, autour de l'utilisation du cash, il y a des réflexions économiques, philosophiques, sociales. Il y a tout un tas de réflexions autour de l'usage du cash. Mais sur l'organisation, la raréfaction de l'accès au cash, c'est assez simple, selon moi. Et de toute la question du paiement automatisé, alors Du paiement par carte, c'est ça ? Paiement par carte, ça se dit pas du paiement automatisé ? Bah, ça voudrait dire automatique, et donc... Ouais, électronique, quoi. Je pense plutôt, du coup, à des domiciliations, mais... Enfin, ah, bon. Non, je pensais... Donc, il y a le liquide, le cash, et puis il y a le paiement avec sa carte, le paiement électronique. Ouais. Le paiement électronique... on nie pas que pour beaucoup de situations, ça peut être utile. Et puis, c'est pratique. Non, mais l'idée, c'était de dire, OK, toi, pour toi, le paiement en cash et les raisons de pourquoi... Enfin, la disparition du cash, du liquide, elle a ses raisons et tu les comprends et on peut les mettre sur la table, voilà. Du coup, moi, je te pose la question, OK, ça c'est pour le cash et le liquide. Ça a l'air simple pour toi, les raisons du pourquoi, du comment. Alors, et le paiement électronique, ça se fait de plus en plus, en tout cas, on pousse. C'est pas que ça se fait de plus en plus, puisqu'on vient de dire que c'est pas vrai. Il faut suivre, hein, mais... Mais on pousse les gens à payer de plus en plus avec leur carte. Et là, je te pose la question, pourquoi, selon toi ? Ben, on les pousse... Parce que tu as déjà entendu tout ce courant de gens qui se posent des questions. Tout ce courant, je ne sais même pas. Les gens se posent des questions, tu vois, sur le fait, mais tiens, comment ça se fait que ça disparaît, tout ça. Mmh. Et donc, y a... Sur quoi tu dis ? Sur la vie privée, etc. C'est de ça qu'on parle. Oui, sur la vie privée, mais aussi pourquoi ça se passe comme ça, tu vois. Et alors, on parle d'une société à la chinoise, hyper contrôlée, ou voilà, ça va jusqu'à là. Et en même temps, moi qui n'y connais rien là-dedans, je dis, bah ouais, c'est logique, ça se met de plus en plus en place, on n'a pas le choix. Donc, un crédit social à la chinoise, on le ferait, ce serait ça qui serait en cours, quoi. Bah, je ne sais pas si c'est ça qui est en cours, mais c'est clair que si vous faites tous vos paiements de manière électronique, la banque qui est la gestionnaire de vos données, elle sait qui est votre médecin, elle sait combien vous payez à votre médecin tous les mois, elle sait où vous faites vos courses, elle sait, voilà. Et le jour où elle décide de vendre ces données-là, c'est open bar pour tout le monde, hein. Ça c'est clair. Maintenant, moi, je vais... Tu veux dire qu'on est déjà là-dedans, quoi, au fond, on n'est pas dans un crédit social à la chinoise, peut-être pas exagéré comme ça, parce que les gens se battent et ils laissent pas faire, je crois, quoi. Mais que oui, avec notre carte et ce moyen de paiement-là, on sait tout sur tout, quoi, c'est ça. Bah, pourquoi est-ce que Google, Apple et Microsoft s'intéressent au paiement ? Pourquoi ils ont fait ça ? Bah parce que c'est là où sont les données. Donc c'est clair. Moi, je veux pas alimenter des théories conspirationnistes ou quoi que ce soit, mais c'est clair qu'il y a un intérêt pour récolter ces données-là parce qu'elles ont de la valeur. Qu'est-ce qu'on en fait après ? Moi, je sais pas comment elles sont protégées et je veux surtout pas alimenter des théories là-dessus. Mais c'est une question qu'on peut se poser, oui. Une vraie question. Pas vrai, Cyrian ? Oui, c'est clair. Mais en fait, parce qu'on a abordé les choses comme ça de but en blanc, mais Morgane, t'es quoi toi ? Du coup, alors, on rencontre qui là ? C'est qui parle en face de nous ? Donc moi, je suis coordinatrice de la communication chez Financité et je suis aussi journaliste pour le Financité Magazine, qui est notre trimestriel sur la finance responsable et solidaire. Donc si je comprends bien, toi, tu t'occupes de la communication, de ce qu'on va dire à l'extérieur de Financité, quoi, en gros. Et journaliste, donc tu fais des articles sur des sujets bien spécifiques. Voilà, exactement. Et comme ces derniers mois, voire dernières années, on a parlé à peu près que de cash, où on nous appelle au moins un jour sur deux pour parler de ça, ah ouais, je pense que je suis devenue assez érudite sur le sujet. Ah oui, on vous appelle régulièrement sur ce sujet-là ? Bah oui, c'est très très régulier. Bon, une part est notre responsabilité, parce que bah, évidemment, le jour où on a porté plainte auprès de l'autorité belge de la concurrence, et ben on l'a fait savoir à la presse. Quand il y a eu des auditions dans plusieurs à la Chambre, dans plusieurs parlements, etc. À chaque fois on le fait savoir. On a lancé plusieurs pétitions pour que les gens puissent s'opposer d'abord au projet Bateau-Pain, et puis maintenant une pétition en collaboration avec Test-Achat, qui est donc la protection des consommateurs, et OCRA, qui est le mouvement des aînés en Flandre, qui s'appelle SOS Cash, pour s'opposer au projet. On a récolté plus de 25 000 signatures actuellement, et beaucoup de signatures papier, il faut quand même le mentionner. Voilà, on s'oppose régulièrement. Et là, fin mars, bah, le gouvernement a annoncé avoir trouvé un accord avec le secteur bancaire sur la raréfaction des distributeurs, etc. On s'est fortement opposé à ce protocole qui, pour nous, ne va clairement pas assez loin. Maintenant, il va y avoir des auditions à la Chambre, en commission, pardon. Et donc, évidemment, à chaque fois, on est peu d'acteurs à vraiment s'opposer à ça. Donc, il y avait nous, et maintenant, on a été rejoints par Test-Achat et par OCRA. Il y a beaucoup d'organisations qui nous soutiennent, mais qui, malheureusement, n'ont pas les connaissances pour vraiment se battre sur ce sujet. Donc, elles ont signé la pétition et elles comprennent notre mouvement. Mais c'est clair qu'ici, on fait... un rapport sur l'inclusion financière en Belgique chaque année. Notre chercheuse en inclusion financière, c'est quelque chose qu'elle traite depuis depuis des années maintenant, quoi. De ça spécifiquement ? En fait, de traiter le problème du cash sous un angle de l'inclusion. Oula ! Sous un angle de l'inclusion, ça veut dire ? Bah, c'est une question d'inclusion. Il y a des gens qui ne sont pas digitalisés, donc qui n'utilisent pas les smartphones, qui n'utilisent pas les cartes, etc. Il y a des gens pour oui, qui c'est le problème. Terme qui est marrant, mettre de l'inclusion, le mot inclusion là-dedans. Oui, oui. Bah, l'inclusion, ça concerne tout le monde. Hein. Ça concerne les petits budgets, ça concerne les personnes âgées. Nous, on regarde l'inclusion financière sur tous les aspects des services financiers. Aussi sur les crédits, etc. Il y a quelques années, on s'intéressait peut-être plus à est-ce que les services bancaires sont accessibles aux personnes étrangères, par exemple. C'est pour ça que Financité s'est battue pour la mise en place du service bancaire de base, pour toutes les personnes non bancarisées qui puissent aller dans une banque et dire « je veux le service bancaire de base », on est obligé de leur donner. Il y a certaines banques qui le refusent quand même, il faut quand même le mentionner. Mmh. C'était une première en Europe, après ça a été étendu à plusieurs pays d'Europe. Voilà. Alors l'inclusion, ça peut paraître un peu pompeux, mais c'est le mot exact pour parler de ce qu'on fait, quoi. Oui, oui, oui, c'est le mot exact, inclusion, ou alors l'intégration, c'est pas joli non plus, quoi. Mais en tout cas, c'est que dans une société, il y a des individus et que ces individus font partie de la société, tu vois. J'ai l'impression aujourd'hui que la politique menée, et le cash en est un bon exemple, c'est qu'on s'en fout de plus en plus des humains, en fait, des gens. Ils ont qu'à se débrouiller. Et le pire dans tout ça, c'est que si on défend pas ce cash, ce liquide, ben il y a une grosse partie de la populace précarisée qui est à côté. Enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, tu vois, on prend pas en compte ça. Un exemple très très bête, c'est le fait de... Bon, ils vont faire marche arrière apparemment, mais c'est le fait que la SNCB a annoncé qu'on pourrait plus payer en cash dans les trains. Bien. C'est fou, sans aucune concertation, on a demandé à personne. À Bruxelles, dans les bus et dans les trams, vous pouvez plus payer en cash. Hein, si vous avez pas votre billet à l'avance, c'est soit vous passez votre carte avec système de paiement sans contact, soit c'est tant pis pour vous. Et on enlève de plus en plus les bornes où on peut prendre le ticket avec des pièces. Et donc imaginez quelqu'un qui n'a pas de carte bancaire, et ça touche des personnes sans papier, mais ça touche aussi des plus jeunes, quand on donnait une carte à des sous à son enfant pour qu'il prenne le tram, etc. Ça, on peut plus faire. Enfin, c'est quand même incroyable. Et alors, à chaque fois, c'est oui, mais question de sécurité, question de réduction des coûts. Sauf qu'en fait, ça a des réalités très concrètes pour une série de personnes. Mmh. Oui, il y a ces raisons-là. Et puis aussi, on peut le dire, quoi, sans que ça fasse de la... Il y a du contrôle, quoi. Il y a du contrôle de plus en plus fort aussi. Du coup, c'est... Mais j'arrive pas complètement à tout comprendre pourquoi on fout pas la paix au choix. Tu vois, t'as envie de payer en liquide, tu payes en liquide. Et si t'as ta carte, tu payes avec ta carte et basta, quoi. Tu vois, pourquoi il y a vraiment une volonté derrière je crois pas uniquement à une question... de coût, quoi, tu vois. Alors, on ferait des économies ailleurs, autrement. Mais c'est vrai qu'on est dans cette logique-là, pour tout, en même temps. C'est vrai que le gouvernement veut faire... en tout cas, la politique menée, c'est peut-être ça aussi, c'est mieux dit. La politique menée, c'est de faire des... Comment on dit ? Partout. Ouais, mais il y a aussi l'argument de la lutte contre le blanchiment d'argent, qui est beaucoup utilisé. Donc, vous avez un certain plafond au-delà duquel vous ne pouvez pas payer en cash. Parce que, lutte contre le blanchiment. Non, mais ça, j'y crois pas non plus. Je veux dire, par Internet, il y a plein de fraudeurs aussi, des geeks qui arrivent à arnaquer les gens. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être plein de points. C'est pas simplement un point, mais c'est plusieurs points, tu vois. Oui, c'est ça. C'est une série de facteurs où on se dit, dans une société digitalisée, ce serait chouette si tout le monde payait en carte et que le cash, on s'en foutait. Oui, mais c'est qui dit ça ? C'est qui dit ça ? C'est l'accord du gouvernement, ouais, qui veut réduire l'utilisation du cash, c'est écrit. Hein. Mais c'est comme il y a plein de gens, il y a 40 associations qui défendent, tu sais, le... Zut, j'arrivais plus à revenir sur le terme. Dans l'administration. La digitalisation de l'administration. Ouais. Vous n'êtes pas tout seul, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas le sujet de l'argent en tant que tel. Ouais, c'est l'accès. On est signataire de ça. Alors évidemment, il y a d'autres associations qui mènent mieux le combat sur ce point spécifique, mais on les soutient à 100%. Mmh. C'est la même problématique. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est de logique. Et quoi, et ça donne quoi alors dans ton imagination de travailleuse à Financité, ça donne quoi comme monde ça dans le futur? Un monde sans cash. Bah, un monde sans cash, c'est un monde sans liberté, un monde sans choix et un monde nettement moins inclusif. Le terme quoi. Ok. Et puis, mais j'avais aussi envie de lire qu'est-ce que la finance responsable? Parce que c'est ce que vous défendez aussi, vous. Hein. Vous existez depuis 1987 ? Alors oui, on a, c'est juste. Oui, on a évolué évidemment depuis. Mais donc, le réseau, à l'époque, ça s'appelait le réseau financement alternatif. Il y avait un compte épargne où on pouvait reverser une partie des intérêts à une série d'associations. Et le réseau financement alternatif s'occupait de collecter ces intérêts et de les redistribuer aux associations. Bon, avec les années, on a beaucoup évolué. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on est un mouvement d'éducation permanente. Donc, on fait de l'éducation à la finance. On a... Ça veut dire quoi, ça, de l'éducation à la finance? Alors, on le fait... Dans un monde dans lequel on est, où la finance, elle est globalisée, t'es d'accord avec moi? Elle est mondialisée. Bah, ça veut dire tout et son contraire. Donc, on a une série de groupes de citoyens qui travaillent sur des questions spécifiques. On a, par exemple, des groupes qui créent des monnaies locales citoyennes. Alors, ça a comme intérêt que... D'un côté, c'est chouette parce qu'on crée des billets hyper colorés, hyper cool, et que c'est pour encourager le circuit court. Mais en même temps, quand on crée cette monnaie, on comprend comment fonctionne la monnaie et comment fonctionne le système monétaire. Donc, c'est un double intérêt. Et explique-nous alors le béaba. C'est vrai que c'est chouette. C'est quoi le béaba alors de l'échange avec de l'argent? Donc, les monnaies citoyennes, ce sont en réalité des bons de soutien à l'économie locale, parce qu'on ne peut pas comme ça choisir d'émettre de la monnaie, c'est régulé. Et donc, il y a des groupes qui émettent des billets. Donc, il y en a 17 actuellement en Wallonie et à Bruxelles. Je vais prendre l'exemple de Bruxelles. À Bruxelles, c'est la ZIN. Il y a un groupe citoyen qui a créé des billets de ZIN. Et donc, 1 euro égale une ZIN. Vous pouvez aller avec vos euros, échanger vos euros contre des ZIN. Vous avez des billets. Et le groupe choisit un certain nombre de commerces où on peut dépenser ces ZIN. Donc, il les choisit selon des critères éthiques. C'est souvent des commerces un peu éco-responsables, etc. Et donc, là-bas, on peut dépenser nos ZIN. Et le but, c'est que ces commerces eux-mêmes s'alimentent chez d'autres commerces qui utilisent aussi la ZIN. Et que finalement, ce billet d'une ZIN circule au sein d'un circuit et qu'on relocalise l'économie. C'est ça un petit peu le but, et d'encourager ces commerces à se dire, eh ben, ils se seraient peut-être fournis dans un commerce qui n'a rien à voir, mais je vais aller voir dans le réseau de la ZIN. Il y a un chauffagiste dans le réseau de la ZIN, par exemple. Ben, si j'ai un problème de chauffage, je vais aller voir ce chauffagiste. Et ce chauffagiste que je vais payer en ZIN, lui-même va redépenser ses ZIN dans le réseau. Donc c'est un peu l'idée. Et du coup, on comprend ben, comment est-ce qu'on émet de la monnaie, qui émet de la monnaie. Et voilà, on touche vraiment le système monétaire, quoi. Ouais, on touche vraiment le cœur de l'échange, en fait. C'est une manière d'échange, en fait, l'argent. Après, moi, ce que j'ai compris dans les monnaies locales, comme ça, c'est que ce qui est intéressant, je trouve, après, ça paye pas tes factures. Tu vois ce que je veux dire? Ça paye pas ton loyer, sauf si, mais non. Ça paye pas tes courses. Parce que là, c'est du... Ah bah si, ça peut le faire. Et puis là, tu parles d'un chauffagisme, mais bon, tu comprends ce que... J'ai un collègue qui a un petit logement au-dessus de son logement, qui loue, et son locataire lui paye une partie du logement. Chez lui, c'est le Valeureux à Liège, mais donc tout le monde peut décider ça. Hein. Oui, c'est sûr. Après, ça n'attaque pas vraiment le gros système dans lequel on est, si ce n'est... Et ça, je trouve chouette, et j'ai bien compris, c'est que l'argent, le ZIN, il ne peut pas aller faire de la finance dans les actions. Et... Exactement, il ne circule pas ailleurs, il circule vraiment que pour le circuit. Et alors, tous les euros qu'on a échangés contre des ZIN, eux, ils sont placés sur un compte épargne éthique, et donc ils travaillent à une société plus éthique de leur côté, quoi, on va dire. Ah, je n'ai pas compris ce que tu... Pourquoi ? Parce que les ZIN peuvent être changés en euros ? Bah, moi, si je veux me fournir en ZIN, je dois aller dans un comptoir de change, je donne des euros et je reçois des ZIN. Et les euros qui ont été collectés, et ben on les met sur un compte épargne éthique. Et donc ces euros-là, dans la banque où ils sont, qui est éthique, et ben ils servent à accorder des crédits, à faire des projets responsables, quoi. Donc, de leur côté, donc le jour où moi, où tout s'arrête et je veux récupérer mes euros contre les zines que j'ai encore dans mon porte-monnaie, bah, cet argent, il existe, donc on peut vous le rendre. Mais en attendant, ils travaillent à une société plus juste. Ah, j'avais pas compris ça, du coup. La banque, c'est quand même un échange de zines contre des euros, quoi. J'avais pas compris ça, moi. Je croyais que c'était vraiment... distribuer des zines comme ça. Ben, on t'en donnait, voilà, au départ. Ouais. Ah ouais, donc il y a quand même une banque, quoi, au fond. Il y a un comptoir de change. Et le collectif citoyen qui est derrière la zine s'occupe pour que les euros que vous avez confiés, ils soient déjà, un, en sécurité. Si jamais on disait, demain, on arrête la zine, tout le monde va rechercher ses sous. Et en même temps, ça sert à rien de les garder sous le matelas, autant qu'ils servent à quelque chose de positif. Et c'est quoi quelque chose de positif ? Là, pour le coup, ils sont dans une banque éthique qui... D'accord avec moi, ça veut rien dire, une banque éthique. On met des mots comme ça, non, mais c'est ça que j'avais aussi... Tu sais, durable, finance verte, finance durable, socialement éco-responsable, tu vois, ça veut absolument rien dire, quoi. Du coup, j'avais envie... Nous, on est assez d'accord sur les termes. C'est pour ça qu'on s'est mis d'accord tous ensemble en disant, nous, on fait de la finance solidaire, donc on a une définition de la finance solidaire, et on agit en même temps pour que la finance soit plus responsable. Essaye de me le dire avec d'autres mots, parce que là, ça veut rien dire, c'est tellement galvaudé. En plus, hier, j'ai regardé un docu sur Arte, là, encore, avec... l'investissement durable, Umicore, t'as vu ça ? Vous avez vu ça, cette espèce de usine minière dans le nord de la Belgique, c'est horrible. Alors, pour la rendre plus responsable, par exemple, nous chaque année, tous les fonds d'investissement qui se disent vert, éco, durable, responsable, peu importe. Mais le fonds, pour qu'on comprenne, le fonds d'investissement, c'est l'investissement des gens. C'est l'épargne des gens. Non, c'est pas un compte épargne. Donc c'est un fonds, donc c'est un organisme qui collecte l'argent des gens et qui l'investit directement dans des entreprises. C'est pas de l'intermédiaire, c'est pas une banque dans le sens où la banque elle collecte l'épargne, elle accorde des crédits dans le métier originel de la banque. On est d'accord qu'elles font bien d'autres choses. Là, on parle plus de l'investissement. Donc c'est comme si moi, à vous deux, je collectais chacun vos 100 euros, j'ai 200 euros et avec ces 200 euros, je me dis je vais acheter un petit peu de cette entreprise, un petit peu de cette entreprise et moi je suis la gestionnaire de fonds. Voilà. Et moi, je vous dis, je suis un fonds éthique. Ouais, voilà. Et vous me dites, ah bon, comment ? Prouve-le. Voilà. Et nous, ce qu'on fait, c'est que comme il y a énormément de fonds qui se disent éthiques ou peu importe le nom qu'ils utilisent, mais qui ne le sont pas vraiment, on prend tous les fonds commercialisés en Belgique qui se prétendent socialement responsables, verts, durables, peu importe le mot. Et on regarde ce qu'il y a vraiment dedans. Et en fait, déjà la moitié, on est incapable de savoir ce qu'il y a dedans, alors qu'ils ont des obligations de transparence, donc ils sont censés nous dire deux fois par an dans quoi ils investissent. Parfois, ils ne le font pas, donc ça, c'est le premier problème. À partir du moment où il n'y a pas de transparence, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment responsables. Et souvent, on est incapable de connaître la composition, parce que ces fonds ont eux-mêmes investi dans des fonds, qui ont investi dans des fonds, donc c'est incompréhensible. Donc tout cela, ils sont notés à zéro. On dit ça, on ne veut pas en entendre parler. Après, pour les autres... On regarde ce qu'ils ont dans leur portefeuille au regard de quatre listes noires d'investissements que nous, on a développées. La première, c'est celle des droits fondamentaux. Donc, on prend toutes les conventions internationales ratifiées par la Belgique. On parle de droits fondamentaux. C'est droits du travail, droits environnementaux, droits humains. Oui, mais tu le dis vite, mais c'est quand même important. Ah oui, c'est la base. Mais de bien vérifier que c'est correct, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que sinon, on le dit vite comme ça, mais... Avec ces listes noires et ces conventions que nous, on regarde, notre liste noire, il y a une série d'entreprises et d'États qui violent les conventions internationales ratifiées par la Belgique. Mmh. Et nous, on dit, si vous vous dites socialement responsable et que vous investissez dans ces États ou ces entreprises, c'est non. Et la plupart le font. Et après, on a quatre autres listes qui fonctionnent un peu de la même manière. De nouveau, on retrouve des entreprises et des États et on regarde. Donc, on a une liste noire d'investissements qui sont considérés comme climaticides, une liste noire sur les armes de guerre et une liste sur le nucléaire. Mmh. Et ce qu'on remarque, c'est que l'énorme majorité des fonds ne passent pas le filtre. On en a étudié des milliers et il y a une page à quatre qui passe le filtre des quatre listes noires. Mais autrement dit, tu veux dire qu'il y a très peu de fonds qui sont propres, vraiment propres, très propres. qui sont vraiment socialement responsables. En tout cas, et encore, nous, le filtre, parfois, on est frustré de ne pas pouvoir mettre telle ou telle entreprise parce que, ben, voilà, on se base sur des choses légales, etc. Et donc, on ne peut pas, juste parce qu'on n'aime pas cette entreprise, la mettre dessus. Et donc, parfois, on se dit on ne va pas assez loin. Et il y a beaucoup d'acteurs qui trouvent qu'on va trop loin. Hein. Mais voilà, nous, déjà en étudiant rien qu'avec ce filtre-là, enfin, ces filtres-là, c'est catastrophique. Oui, mais ça, moi, ça, je ne suis pas étonnée. T'es étonné, toi, Cyrion ? Non, pas trop. Mais j'avais lu ça quelque part, donc c'est pas mon idée là qui comment dire, c'est pas une idée que j'ai eue là, mais je trouvais ça une bonne idée de faire un fonds d'investissement propre, mais avec cette idée que l'industriel ou l'industrie répare ce qu'il a dégueulassé ou ce qui est en cours. Tu sais, par exemple, dans le docu que j'ai vu, Umicore, là, sur cette espèce d'industrie minière, eh bien, elle a fonctionné pendant... Elle n'est plus en fonctionnement, hein, vous avez vu le film, hein, ouais. Et elle a fonctionné pendant 50 ans, mais il y a des dégâts environnementaux colossaux, quoi. Je veux dire, les gens ne peuvent plus aller jouer dans la nature. Ça se passe dans les Cévennes aussi. C'est le nord de la Belgique et les Cévennes, c'est horrible quand tu vois ça. Et je trouve qu'un fonds d'investissement serait intéressant à mettre en place avec les gens qui ont salopé, qui ont été propriétaires de l'industrie. Au moins, c'est clair et net. C'est mettre des fonds pour réparer ce qui est dégueulassé, en fait. Dans l'idée... Tu vois un peu l'idée ? À la place de dire, comme ça, un peu les yeux fermés, sans connaître, avec plein de cachettes, plutôt. Je veux dire, on peut te raconter ce que tu veux. Oui, c'est durable, c'est social, c'est tout ce que tu veux. Et en fait, tu n'as pas de prise dessus. Tu vas me dire... Est-ce qu'il y aurait plus une prise ? Si, parce qu'on pourrait le voir que ça soigne, je sais pas, la nature ou ça replante des arbres ou que. Mais en fait, on en revient à la question de départ qu'on s'est posée sur la question de l'argent, parce que un fonds qui répare, bah on se dit c'est une bonne idée. On met notre argent ensemble et on va réparer ce que les autres ont fait qui est horrible. Sauf que ça rapporte pas d'argent. Mais oui, mais ça on s'en fout, on n'est plus là-dedans. Parce que c'est ça la question fondamentale. Hein. Bah voilà, la question fondamentale, c'est savoir si collectivement, on est prêt à mettre ensemble de l'argent qui ne va pas rapporter d'argent pour réparer les choses que le système financier, qui lui est basé sur l'argent et le profit, a fait. Alors, essayons de bien nous comprendre, j'ai pas bien compris le fonds d'investissement. Alors, en fait, oui, les gens mettent de l'argent dans un fonds d'investissement parce qu'ils veulent... Ils veulent toucher des bénéfices de ça, en fait. Oui, voilà, parce que les entreprises dans lesquelles le fonds investit, eh ben, ils distribuent des dividendes. Et donc, ça rapporte, ça a une rentabilité. Donc, chaque année, on touche un peu. J'ai mis 100 euros et chaque année, je vais toucher 2, 3 euros. Ça dépend. Il y a des fonds d'investissement qui sont particulièrement rentables. Il y en a d'autres un peu moins. Et ça dépend du gestionnaire de fonds, évidemment. Et le gestionnaire, il fait aussi d'autres choses. Il achète et il vend pour essayer de faire du profit, enfin voilà. Mais l'idée d'un fonds d'investissement, si moi je vais mettre mes 100 euros là, je dis moi, mais je parle de la personne qui cherche un fonds d'investissement, c'est pour avoir un retour sur mon investissement. Ok, tu vois, j'ai pas bien alors mesuré la chose, parce que alors ça c'est pas dans un fonds d'investissement, en plus c'est pas les gens qui vont réparer ce que l'espèce d'industriel a dégueulassé, quoi. Par contre, il y a des gens qui font, qui est très intéressant, c'est qu'ils font de l'activisme actionnarial. Donc, c'est comme s'ils avaient un fonds d'investissement. Ils investissent dans une entreprise en particulier, mais dans le but de changer la politique de l'intérieur. Donc, comme ils sont actionnaires de la société, ils sont en propriétaire d'une partie, ils peuvent aller à l'Assemblée Générale, etc., et proposer des résolutions et demander à ce que les choses changent. Et donc, c'est fait par le biais d'ONG et par le biais d'associations qui sont spécialisées là-dedans. Et parfois, ça marche. Il y a des vrais résultats. Ah, et donc là, effectivement, on a mis notre argent au service du changement de l'intérieur. Et quoi, tu dis que ça marche, tu as des exemples concrets ? Oui, il y a plein d'ONG qui ont demandé à des sociétés du secteur de l'énergie d'avoir un vrai plan de sortie du pétrole ou des choses comme ça. Et donc, elles ont dû au moins l'écrire Enfin, je veux dire, ça paraît peu, mais c'est un vrai pas. Il y a une ONG en Angleterre qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Share Action, qui agit aussi sur la malbouffe et des choses comme ça. Et donc, ils ont pu avoir des vrais résultats. Ouais. Je te laisse boire. Merci. Moi aussi, je vais boire. Ah ouais, tu vois, c'est quand même un langage, hein, ouais. La finance. Vrai. Toi, tu as l'air d'être. Ça fait longtemps que tu es là, tu as l'air. Ça roule, quoi. Bah, moi, je suis journaliste bancaire et financière à la base, donc j'ai appris. Mais qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans au départ, ou tout au départ? Tout au départ, c'est parce que j'ai fait des études dans une haute école de commerce, que j'ai pas aimé ça, qu'après j'ai fait du journalisme, et puis que je me suis dit, si j'alliais les deux. Et voilà, le chemin faisant, je me suis retrouvée chez Financité parce que. Ça, j'ai l'impression d'agir d'une manière un peu plus concrète. Mais donc oui, ça fait pas mal d'années que je travaille dans le secteur. Mmh. Mais je suis d'accord qu'il y a un jargon un peu... Ah bah c'est sûr, il faut vraiment comprendre. Moi, je ne m'intéresse pas du tout à tout ça. Tu sais, je suis un peu dans une espèce d'échange avec de l'argent basique, quoi, tu vois. Après, je sais que waouh, c'est très complexe et on fait tout évidemment pour que ce soit complexe, pour que tu comprennes rien. Et c'est exactement pour ça qu'on fait de l'éducation à la finance avec. On fait des ciné-débats, on fait des soirées-jeux. Il y a plein de jeux, en fait, qui apprennent la finance. On fait des ateliers où on essaye que ce soit participatif pour que les gens, comme on le fait avec les monnaies citoyennes dont on a parlé, se réapproprient la finance. Parce qu'on pense vraiment que le danger, ce soit que, justement, tout le monde se dit « De toute façon, c'est trop compliqué, moi, j'y comprends rien. » Et en fait, c'est tellement important, la finance. Et c'est tellement au cœur de tout qu'il faut se réapproprier ça. Donc, on fait de la recherche... comme on le disait sur les fonds qui se disent socialement responsables. Et à côté, on fait de l'éducation, justement pour donner les moyens aux citoyens et aux citoyennes de comprendre ce qui se passe. Mais tu es d'accord qu'on n'y comprend rien, les citoyens et les citoyennes, comme tu dis, parce que si on savait, si on prenait vraiment conscience, si les gens prenaient vraiment conscience qu'en 2008, ce sont eux qui ont payé, qui ont... renouveler les banques pour faire fonctionner, refaire démarrer. Tu vois ce que je veux dire? Je ne crois pas que les gens comprennent. Il faut venir aux animations de Financité. Hein. On comprend tout après. Oui, parce que la finance, c'est... Waouh, il y a aussi le business tout en haut. On joue avec l'argent, on descend les prix, on les remonte. Enfin, tu vois, il y a... Et pourtant, il faut vraiment s'y intéresser. Quand on revient à la question des distributeurs de billets, par exemple, quand le gouvernement dit « on a trouvé un accord avec le secteur bancaire, on va ajouter grosso modo 287 distributeurs », qu'on nous dit que c'est une bonne nouvelle, eh bien, franchement, heureusement que je nous jette des fleurs, mais heureusement qu'on envoie un communiqué de presse juste après pour dire « attention ». On nous annonce 287 distributeurs en plus, mais c'est par rapport au plan de réduction initial. Donc on va quand même perdre, je reprends mon pense-bête, mais on va quand même perdre près de 2000 distributeurs par rapport à 2021. 2000 ? Oui, 1932 exactement. C'est énorme. Ouais. Du coup, il reste 5 minutes. Qu'est-ce que tu verrais d'essentiel à dire qu'on n'a pas dit, que tu n'as pas dit ? Que moi, je n'ai pas posé la question. Tu vois, toi, quelque chose à dire? Je pense pas. Syrian, non? Non? Je sais pas, je pense pas. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est de continuer à utiliser le cash juste par principe. De temps en temps, c'est-à-dire d'avoir du cash sur soi, déjà. Et de temps en temps, utiliser le cash juste pour se rendre compte à quel point cet outil est merveilleux. Parfois, on rigole avec nos collègues quand on se rembourse des sandwichs à midi et que je tends un billet de 5 euros et qu'en fait, ça m'a pris une demi-seconde parce que je l'ai sorti de mon porte-monnaie. On dit, quand même bien pensé cette histoire de cash. Hein. Regarde, je te tends un billet, tu l'acceptes. Collectivement, on a décidé que ça avait de la valeur. C'est géré pour le bien commun, c'est quand même formidable. Oui, jusqu'au moment où ce cash ne sera plus, on l'acceptera plus. Non, mais c'est vrai, en Suède, on en a parlé, je crois, parce qu'on en a parlé un peu hors micro, mais c'est en Suède hein, où ils ont reculé en arrière, quoi, parce que c'était interdit, ça devenait interdit le cash, quoi. Oui, ils voulaient faire une société complètement digitalisée, et puis ils se sont rendus compte que c'était pas tout à fait réaliste, et donc ils ont fait marche arrière. Et il faudrait pas que ça arrive en Belgique, quoi. Qu'on se dise qu'on va faire une société 100% digitalisée et qu'après on doit faire marche arrière. Autant maintenant assurer un service minimum, se dire on laisse le choix aux Belges de payer en euros ou en euros physiques ou en euros avec le paiement électronique. Et puis, même des personnes étrangères. Vous savez que quand vous arrivez de Londres à la gare du Midi, pour trouver un distributeur, c'est la croix et la bannière. Ils sont tout le temps en panne, il y a des files kilométriques. Enfin, c'est quand même la base, quoi. Quand on veut accueillir des personnes de pays étrangers qui doivent retirer du cash parce qu'ils ne vont pas se faire facturer des frais bancaires à chaque transaction. Tu parles du tourisme, là ? Oui, oui. C'est, enfin, rien que pour le tourisme, c'est quand même la base. Et donner l'accès au cash, pour nous, c'est un droit fondamental. Oui, toi, tu penses au tourisme. Moi, je pense vraiment au petit bonhomme ou à la petite dame qui galère, qui a déjà difficile, tu vois. Enfin, ouais. On a fait une campagne il y a 3 ans qui s'appelait Banque dehors les seniors. Et on a collecté des témoignages de seniors qui avaient des difficultés avec leur banque. C'était effarant. C'est des gens dont les enfants, ils perdent leur autonomie en fait. Et alors ils avaient l'habitude d'aller à l'automate de leur agence bancaire, où certes ils ont dû faire l'effort de l'apprendre, mais ça marchait. Il y avait un petit siège, il y avait un clavier, ils faisaient leur virement, ils ne demandaient rien à personne. Et du jour au lendemain, on leur dit, on supprime cet automate, on vous met une tablette. Mais quand vous avez de l'arthrose et quand vous avez les mains qui tremblent, c'est impossible d'utiliser une tablette. Vous n'y voyez rien en plus. Et on me dit, mais regardez, vous n'avez qu'à venir en agence. Non, ce n'est pas pareil. Il faut quand même prendre en compte les considérations de ces gens-là, quoi. Mais moi, je crois que la politique menée, là, elle sait très bien qu'elle va mettre plein de gens sur le carreau, comme on dit. Tu vois, elle n'est pas bête, quoi. Enfin, ça va. C'est vraiment qu'il y a une non-sensibilité à tout ça. On avance parce que nous, on a notre vision du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà. Bah, y a l'aspect politique. Et puis après, il y a quand même, il faut le dire, le secteur bancaire qui bénéficie visiblement d'une espèce d'impunité et qui fait à peu près ce qu'il veut, qui décide collectivement qu'on réduit le cash et qui décide qu'on ferme des agences. Et que voilà, il y a quand même les deux aspects. Le secteur bancaire, il n'est pas pour rien. Ce n'est pas que des décisions politiques. Non, mais c'est bien ça le problème, c'est qu'on n'est plus dans, il y a plus, c'est le business qui fait ses affaires, quoi. Tu vois, c'est le privé qui domine et le politique, tout ce qui est l'aspect public et tout ça, c'est, on se demande où c'est, quoi. Et c'est ça qu'on patine et qu'on sait pas très bien sur quel pied danser, quoi. Voilà. Oui, moi je reste persuadée que si en 2021 on ne s'était pas opposé au projet Bateau-Pain, aujourd'hui il y aurait moitié moins de distributeurs et on se serait réveillé un jour en se disant « Ah bon ah c'est vrai, tiens, c'est plus difficile d'accéder au cash. » Bon, ben merci à vous, merci Morgane, Kubiki et Sirian alors. Ça marche ? Merci. Avec plaisir.